Ouais, j'ai fait du sale. Tout ça pour les sous, ouais. Tout ça pour les sous. Ils sont pour qu'à mendier. J'suis au tribunal. Tout ça pour des coups, ouais. Tout ça pour des coups. Moi, j'ai jamais plainté. Si j'ai fait du mal, pardonnez-moi tout, ouais. On a tous divagué à bord du navire. Tu verras que nous, on n'aime pas se mélanger. J'ai fait du mal. J'ai fait du bien, à part à la barre et le tout puissant, personne peut me juger. Personne peut voir mon sac de péché. J'ai laissé des corps à terre, mon gars, j'étais obligé. Ma mère au bout du rouleau. Comment lui dire que j'ai fait tout ça pour le papier? C'est vrai, j'ai pris des kilos. Cette phrase elle va dans les descentes, c'est ce que t'as capté. Pourquoi ça se passe comme ça dans les cités? Pourquoi devant un bol, les dés sont excités? J'ai connu des meufs bien, j'ai connu des chiennes. Mais moi, c'est les salopes qui m'ont piqué. Mais moi c'est les salopes qui m'ont piqué. Mais moi c'est les salopes qui ouais, m'ont piqué. Ouais, j'ai fait du sale. Tout ça pour les sous, ouais. Tout ça pour les sous. Ils sont pour qu'à mendier. J'suis au tribunal. Tout ça pour des coups, ouais. Tout ça pour des coups. Moi ouais, j'ai jamais plainté. Si j'ai fait du mal, pardonnez-moi tout, ouais. On a tous divagué à bord du navire. Tu verras que nous, on n'aime pas se mélanger. Les petites latesses me regardent, ils me disent Mouska, toi t'as pas géchant. Depuis l'époque du local, on connaît les gentils, on connaît les méchants. J'essaie de faire le maximum, le maximum. Pour aider ma famille, tous les jours y'en a qui meurent, y'en a qui meurent. De maladie ou de famine. Si tu savais comment on a opéré, avant de venir chez toi on a repéré. Voiture volée, des mineurs dans la cité. On voulait seulement frimer, on s'est fait arrêter, yeah. Garde à dépôt au tribunal. Garde à dépôt au tribunal. J'aurais dû aller en terminal. J'aurais dû aller en terminal. Ouais, j'ai fait du sale. Tout ça pour les sous, ouais. Tout ça pour les sous. Ils sont pour qu'à m'envier. J'suis au tribunal. Tout ça pour des coups, ouais. Tout ça pour des coups. Moi j'ai jamais plainté. Si j'ai fait du mal, pardonnez-moi tout, ouais. Pardonnez-moi. On a tous divagué à bord du navire. Tu verras que nous, on n'aime pas se mélanger. Moi ouais, j'ai fait du sale. Tout ça pour les sous, ouais. Tout ça pour les sous. Pour qu'à mendier, j'suis au tribunal. Tout ça pour des coups, ouais. Tout ça pour des coups. Moi j'ai jamais plainté. Si j'ai fait du mal, pardonnez-moi tout, ouais. Pardonnez-moi. On a tous divagué à bord du navire. Tu verras que nous, on n'aime pas se mélanger.